Le dévoilement de l'enseigne en haut fait révolutionnaire du général Kim Jong-il a eu lieu à la gare d'Okeanskaya, Russie. Elle porte en coréen et en russe le camarade Kim Jong-il, secrétaire général du Parti du Travail de Corée et président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée, en visite en Extrême-Orient de Russie, a fait une pause le 23 août 2002 à la gare d'Okeanskaya. La cérémonie de dévoilement a eu lieu le 28 avril. Y ont pris part les personnalités de la filiale du territoire maritime du parti, la Russie Unie, de l'administration du territoire maritime de Russie et de la représentation du ministère russe des Affaires étrangères à Vladivostok, les habitants ainsi que le consul général coréen à Vladivostok et autres consuls.